Chapitre 4. Mission du Paraguay. Conversion des sauvages. Tandis que le christianisme brillait au milieu des adorateurs de Fo-i, que d'autres missionnaires l'annonçaient aux nobles japonais ou le portaient à la cour des sultans, on le vit se glisser, pour ainsi dire, jusque dans les nids des forêts du Paraguay, afin d'apprivoiser ces nations indiennes qui vivaient comme des oiseaux sur les branches des arbres. C'est pourtant un culte bien étrange que celui-là qui réunit, quand il lui plaît, les forces politiques aux forces morales, et qui crée, par surabondance de moyens, des gouvernements aussi sages que ceux de Minos et de Lycurgue. L'Europe ne possédait encore que des constitutions barbares, formées par le temps et le hasard, et la religion chrétienne faisait revivre au Nouveau Monde les miracles des législations antiques. Les hordes errantes des sauvages du Paraguay se fixaient, et une république évangélique sortait à la parole de Dieu du plus profond des déserts. Et quels étaient les grands génies qui reproduisaient ces merveilles? De simples jésuites, souvent traversés dans leurs desseins par l'avarice de leurs compatriotes. C'était une coutume généralement adoptée dans l'Amérique espagnole de réduire les Indiens en commandes et de les sacrifier aux travaux des mines. En vain le clergé séculier et régulier avait réclamé contre cet usage, aussi impolitique que barbare. Les tribunaux du Mexique et du Pérou, la cour de Madrid, retentissaient des plaintes des missionnaires. « Nous ne prétendons pas, disait-il aux colons, nous opposer au profit que vous pouvez faire avec les Indiens par des voies légitimes. Mais vous savez que l'intention du roi n'a jamais été que vous les regardiez comme des esclaves, et que la loi de Dieu vous le défend. Nous ne croyons pas qu'il soit permis d'attenter à leur liberté, à laquelle ils ont un droit naturel, et que rien n'autorise à leur contester. » Ils restaient encore au pied des cordillères, vers le côté qui regarde l'Atlantique, entre l'Orénoque et Rio de la Plata, un pays rempli de sauvages, où les Espagnols n'avaient point porté la dévastation. Ce fut dans ces forêts que les missionnaires entreprirent de former une république chrétienne, et de donner du moins à un petit nombre d'Indiens le bonheur qu'ils n'avaient pu procurer à tous. Ils commencèrent par obtenir de la cour d'Espagne la liberté des sauvages qu'ils parviendraient à réunir. À cette nouvelle, les colons se soulevèrent. Ce ne fut qu'à force d'esprit et d'adresse que les jésuites surprirent, pour ainsi dire, la permission de verser leur sang dans les déserts du Nouveau Monde. Enfin, ayant triomphé de la cupidité et de la malice humaine, méditant un des plus nobles desseins qu'ait jamais conçu un cœur d'homme, ils s'embarquèrent pour Rio de la Plata. C'est dans ce fleuve que vient se perdre l'autre fleuve, qui a donné son nom au pays et aux missions dont nous retracions l'histoire. Paraguay, dans la langue des sauvages, signifie « le fleuve couronné », parce qu'il prend sa source dans le lac Xarayes, qui lui sert comme de couronne. Avant d'aller grossir Rio de la Plata, il reçoit les eaux du Panama et de l'Uruguay. Des forêts qui renferment dans leur sein d'autres forêts tombées de vieillesse, des marais et des plaines entièrement inondées dans la saison des pluies, des montagnes qui élèvent des déserts sur des déserts, forment une partie des régions que le Paraguay arrose. Le gibier de toutes espèces y abonde, ainsi que les tigres et les ours. Les bois sont remplis d'abeilles qui font une cire fort blanche et un miel très parfumé. On y voit des oiseaux d'un plumage éclatant et qui ressemblent à de grandes fleurs rouges et bleues sur la verdure des arbres. Un missionnaire français qui s'était égaré dans ces solitudes en fait la peinture suivante. Je continuai ma route sans savoir à quel terme elle devait aboutir et sans qu'il y eût personne qui pût me l'enseigner. Je trouvais quelquefois au milieu de ces bois des endroits enchantés. Tout ce que l'étude et l'industrie des hommes ont pu imaginer pour rendre un lieu agréable n'approche point de ce que la simple nature y avait rassemblé de beauté. Ces lieux charmants me rappelèrent les idées que j'avais eues autrefois en lisant les vies des anciens solitaires de la Thébaïde. Il me vint en pensée de passer le reste de mes jours dans ces forêts où la Providence m'avait conduit, pour y vaquer uniquement à l'affaire de mon salut, loin de tout commerce avec les hommes. Mais comme je n'étais pas le maître de ma destinée, et que les ordres du Seigneur m'étaient certainement marqués par ceux de mes supérieurs, je rejetais cette pensée comme une illusion. Les Indiens que l'on rencontrait dans ces retraites ne le ressemblaient que par le côté affreux. Race indolente, stupide et féroce, elle montrait dans toute sa laideur l'homme primitif dégradé par sa chute. Rien ne prouve davantage la dégénération de la nature humaine que la petitesse du sauvage dans la grandeur du désert. Arrivés à Buenos Aires, les missionnaires remontèrent Rio de la Plata et, entrant dans les eaux du Paraguay, se dispersèrent dans les bois. Les anciennes relations nous le représentent, un bréviaire sous le bras gauche, une grande croix à la main droite, et sans autre provision que leur confiance en Dieu. Elles nous les peignent se faisant jour à travers les forêts, marchant dans les terres marécageuses, où ils avaient de l'eau jusqu'à la ceinture, gravissant des roches escarpées et furetant dans les antres et les précipices, au risque d'y trouver des serpents et des bêtes féroces, au lieu des hommes qu'ils y cherchaient. Plusieurs d'entre eux y moururent de faim et de fatigue. D'autres furent massacrés et dévorés par les sauvages. Le père Lizardi fut trouvé percé de flèches sur un rocher. Son corps était à demi dévoré par les oiseaux de proie, et son bréviaire était ouvert auprès de lui à l'office des morts. Quand un missionnaire rencontrait ainsi les restes d'un de ses compagnons, il s'empressait de leur rendre les honneurs funèbres. Et, plein d'une grande joie, il chantait un Te Deum solitaire sur le tombeau du martyr. De pareilles scènes, renouvelées à chaque instant, étonnaient les hordes barbares. Quelquefois, elles s'arrêtaient autour du prêtre inconnu qui leur parlait de Dieu, et elles regardaient le ciel que l'apôtre leur montrait. Quelquefois, elles le fuyaient comme un enchanteur et se sentaient saisies d'une frayeur étrange. Le religieux les suivait en leur tendant les mains au nom de Jésus-Christ. S'il ne pouvait les arrêter, il plantait sa croix dans un lieu découvert et s'allait cacher dans les bois. Les sauvages s'approchaient peu à peu pour examiner l'étendard de paix élevé dans la solitude. Un aimant secret semblait les attirer à ce signe de leur salut. Alors le missionnaire, sortant tout à coup de son embuscade et profitant de la surprise des barbares, les invitait à quitter une vie misérable pour jouir des douceurs de la société. Quand les jésuites se furent attachés quelques Indiens, ils eurent recours à un autre moyen pour gagner des âmes. Ils avaient remarqué que les sauvages de ces bords étaient fort sensibles à la musique. On dit même que les eaux du Paraguay rendent la voix plus belle. Les missionnaires s'embarquèrent donc sur des pirogues avec les nouveaux catéchumènes. Ils remontèrent les fleuves en chantant des cantiques. Les néophytes répétaient les airs comme des oiseaux privés chantent pour attirer dans les raies de l'oiseleur les oiseaux sauvages. Les Indiens ne manquèrent point de se venir prendre au doux piège. Ils descendaient de leurs montagnes et accouraient au bord des fleuves pour mieux écouter ces accents. Plusieurs d'entre eux se jetaient dans les ondes et suivaient à la nage la nacelle enchantée. L'arc et la flèche échappaient à la main du sauvage. L'avant-goût des vertus sociales et les premières douceurs de l'humanité entraient dans son âme confuse. Il voyait sa femme et son enfant pleurer d'une joie inconnue. Bientôt, subjugué par un attrait irrésistible, il tombait aux pieds de la croix et mêlait des torrents de larmes aux eaux régénératrices qui coulaient sur sa tête. Ainsi, la religion chrétienne réalisait dans les forêts de l'Amérique ce que la fable raconte des Amphions et des Orphées, réflexion si naturelle qu'elle s'est présentée même aux missionnaires, tant il est certain qu'on ne dit ici que la vérité en ayant l'air de raconter une fiction. Chapitre 5. Suite des missions du Paraguay. République chrétienne, bonheur des Indiens. Les premiers sauvages qui se rassemblèrent à la voix des jésuites furent les Guarani, peuple répandu sur les bords du Paranapé, du Pirapé et de l'Uruguay. Ils composèrent une bourgade sous la direction des pères Macheta et Cataldino, dont il est juste de conserver les noms parmi ceux des bienfaiteurs des hommes. Cette bourgade fut appelée Lorette, et dans la suite, à mesure que les églises indiennes s'élevèrent, elles furent comprises sous le nom général de Réduction. on en compta jusqu'à 30 en peu d'années, et elles formèrent entre elles cette république chrétienne qui semblait un reste de l'Antiquité découverte au Nouveau Monde. Elles ont confirmé sous nos yeux cette vérité connue de Rome et de la Grèce, que c'est avec la religion, et non avec des principes abstraits de philosophie, qu'on civilise les hommes et qu'on fonde les empires. Chaque bourgade était gouvernée par deux missionnaires qui dirigeaient les affaires spirituelles et temporelles des petites républiques. Aucun étranger ne pouvait y demeurer plus de 3 jours, et pour éviter toute intimité qui eût pu corrompre les mœurs des nouveaux chrétiens, il était défendu d'apprendre à parler la langue espagnole. Mais les néophytes savaient la lire et l'écrire correctement. Dans chaque réduction, il y avait 2 écoles, l'une pour les premiers éléments des lettres, l'autre pour la danse et la musique. Ce dernier art, qui servait aussi de fondement aux lois des anciennes républiques, était particulièrement cultivé par les Guaranis. Ils savaient faire eux-mêmes des orgues, des harpes, des flûtes, des guitares et nos instruments guerriers. Dès qu'un enfant avait atteint l'âge de 7 ans, les 2 religieux étudiaient son caractère. S'il paraissait propre aux emplois mécaniques, on le fixait dans un des ateliers de la réduction, et dans celui-là même où son inclination le portait. Il devenait orfèvre, doreur, horloger, serrurier, charpentier, menuisier, tisserand, fondeur. Ces ateliers avaient eu pour premiers instituteurs les jésuites eux-mêmes. Ses pères avaient appris exprès les arts utiles pour les enseigner à leurs indiens sans être obligés de recourir à des étrangers. Les jeunes gens qui préféraient l'agriculture étaient enrôlés dans la tribu des laboureurs, et ceux qui retenaient quelque humeur vagabonde de leur première vie erraient avec les troupeaux. Les femmes travaillaient séparées des hommes dans l'intérieur de leur ménage. Au commencement de chaque semaine, on leur distribuait une certaine quantité de laine et de coton qu'elles devaient rendre le samedi au soir, toutes prêtes à être mises en œuvre. Elles s'employaient aussi à des soins champêtres, qui occupaient leurs loisirs sans surpasser leurs forces. Il n'y avait point de marché public dans les bourgades. À certains jours fixes, on donnait à chaque famille les choses nécessaires à la vie. Un des 2 missionnaires veillait à ce que les parts fussent proportionnées au nombre d'individus qui se trouvaient dans chaque cabane. Les travaux commençaient et cessaient au son de la cloche. Elle se faisait entendre au premier rayon de l'aurore. Aussitôt, les enfants s'assemblaient à l'église où leur concert matinal durait, comme celui des petits oiseaux, jusqu'au lever du soleil. Les hommes et les femmes assistaient ensuite à la messe, d'où ils se rendaient à leurs travaux. Au baisser du jour, la cloche rappelait les nouveaux citoyens à l'autel, et l'on chantait la prière du soir à 2 parties et en grande musique. La terre était divisée en plusieurs lots, et chaque famille cultivait un de ces lots pour ses besoins. Il y avait en outre un champ public appelé la possession de Dieu. Les fruits de ces terres communales étaient destinés à suppléer aux mauvaises récoltes et à entretenir les veuves, les orphelins et les infirmes. Ils servaient encore de fonds pour la guerre. S'il restait quelque chose du trésor public au bout de l'année, on appliquait ce superflu aux dépenses du culte et à la décharge du tribut de l'écu d'or que chaque famille payait au roi d'Espagne. Un cacique ou chef de guerre, un corregidor pour l'administration de la justice, des regidors et des alcades pour la police et la direction des travaux publics, formaient le corps militaire, civil et politique des réductions. Ces magistrats étaient nommés par l'Assemblée générale des citoyens, mais il paraît qu'on ne pouvait choisir qu'entre les sujets proposés par les missionnaires. C'était une loi empruntée du Sénat et du peuple romain. Il y avait, en outre, un chef nommé fiscal, espèce de censeur public élu par les vieillards. Il tenait un registre des hommes en âge de porter les armes. Un teniente veillait sur les enfants. Il les conduisait à l'église et les accompagnait aux écoles, en tenant une longue baguette à la main. Il rendait compte aux missionnaires des observations qu'il avait faites sur les mœurs, le caractère, les qualités et les défauts de ses élèves. Enfin, la bourgade était divisée en plusieurs quartiers, et chaque quartier avait un surveillant. Comme les Indiens sont naturellement indolents et sans prévoyance, un chef d'agriculture était chargé de visiter les charrues et d'obliger les chefs de famille à ensemencer leurs terres. En cas d'infraction aux lois, la première faute était punie par une réprimande secrète des missionnaires, la seconde par une pénitence publique à la porte de l'église, comme chez les premiers fidèles, la troisième par la peine du fouet. Mais pendant un siècle et demi qu'a duré cette république, on trouve à peine un exemple d'un Indien qui ait mérité ce dernier châtiment. « Toutes leurs fautes sont des fautes d'enfants, » dit le père Charlevoix. « Ils le sont toute leur vie, en bien des choses. Ils en ont d'ailleurs toutes les bonnes qualités. » Les paresseux étaient condamnés à cultiver une plus grande portion du champ commun. Ainsi, une sage économie avait fait tourner les défauts mêmes de ces hommes innocents au profit de la prospérité publique. On avait soin de marier les jeunes gens de bonne heure pour éviter le libertinage. Les femmes qui n'avaient pas d'enfants se retiraient, pendant l'absence de leur mari, à une maison particulière appelée « maison de refuge ». Les deux sexes étaient à peu près séparés, comme dans les républiques grecques. Ils avaient des bancs distincts à l'église et des portes différentes par où ils sortaient sans se confondre. Tout était réglé jusqu'à l'habillement, qui convenait à la modestie sans nuire aux grâces. Les femmes portaient une tunique blanche rattachée par une ceinture. Leurs bras et leurs jambes étaient nus. Elles laissaient flotter leurs chevelures qui leur servaient de voile. Les hommes étaient vêtus comme les anciens castillans. Lorsqu'ils allaient au travail, ils couvraient ce noble habit d'un sarrau de toile blanche. Ceux qui s'étaient distingués par des traits de courage ou de vertu portaient un sarrau couleur de pourpre. Les Espagnols, et surtout les Portugais du Brésil, faisaient des courses sur les terres de la République chrétienne et enlevaient souvent des malheureux qu'ils réduisaient en servitude. Résolus de mettre fin à ce brigandage, les jésuites, à force d'habileté, obtinrent de la cour de Madrid la permission d'armer leurs néophytes. Ils se procurèrent des matières premières, établirent des fonderies de canons, des manufactures de poudre, et dressèrent à la guerre ceux qu'on ne voulait pas laisser en paix. Une milice régulière s'assembla tous les lundis pour manœuvrer et passer la revue devant un cacique. Il y avait des prix pour les archers, les portelances, les frondeurs, les artilleurs, les mousquetaires. Quand les Portugais revinrent, au lieu de quelques laboureurs timides et dispersés, ils trouvèrent des bataillons qui les taillèrent en pièces et les chassèrent jusqu'au pied de leur fort. On remarqua que la nouvelle troupe ne reculait jamais et qu'elle se ralliait sans confusion sous le feu de l'ennemi. Elle avait même une telle ardeur qu'elle s'emportait dans ses exercices militaires et l'on était souvent obligé de les interrompre de peur de quelque malheur. On voyait ainsi au Paraguay un État qui n'avait ni les dangers d'une constitution toute guerrière, comme celle des Lacédémoniens, ni les inconvénients d'une société toute pacifique, comme la fraternité des Quakers. Le problème politique était résolu. L'agriculture, qui fonde, et les armes, qui conservent, se trouvaient réunies. Les Guaranis étaient cultivateurs sans avoir d'esclaves et guerriers sans être féroces. Immenses et sublimes avantages qu'ils devaient à la religion chrétienne, et dont n'avaient pu jouir sous le polythéisme ni les Grecs ni les Romains. Ce sage milieu était partout observé. La République chrétienne n'était point absolument agricole, ni tout à fait tournée à la guerre, ni privée entièrement des lettres et du commerce. Elle avait un peu de tout, mais surtout des fêtes en abondance. Elle n'était ni morose comme Sparte, ni frivole comme Athènes. Le citoyen n'était ni accablé par le travail, ni enchanté par le plaisir. Enfin, les missionnaires, en bornant la foule aux premières nécessités de la vie, avaient su distinguer dans le troupeau les enfants que la nature avait marqués pour de plus hautes destinées. Ils avaient, ainsi que le conseil Platon, mis à part ceux qui annonçaient du génie, afin de les initier dans les sciences et les lettres. Ces enfants choisis s'appelaient la congrégation. Ils étaient élevés dans une espèce de séminaire et soumis à la rigidité du silence, de la retraite et des études des disciples de Pythagore. Il régnait entre eux une si grande émulation que la seule menace d'être renvoyé aux écoles communes jetait un élève dans le désespoir. C'était de cette troupe excellente que devaient sortir un jour les prêtres, les magistrats et les héros de la patrie. Les bourgades des réductions occupaient un assez grand terrain, généralement au bord d'un fleuve et sur un beau site. Les maisons étaient uniformes à un seul étage et bâties en pierre. Les rues étaient larges et tirées au cordeau. Au centre de la bourgade se trouvait la place publique, formée par l'église, la maison des pères, l'arsenal, le grenier commun, la maison de refuge et l'hospice pour les étrangers. Les églises étaient fort belles et fort ornées. Des tableaux, séparés par des festons de verdure naturelle, couvraient les murs. Les jours de fête, on répandait des eaux de senteur dans la nef, et le sanctuaire était jonché de fleurs de lianes effeuillées. Le cimetière, placé derrière le temple, formait un carré long environné de murs à hauteur d'appui. Une allée de palmiers et de cyprès régnait tout autour. Il était coupé dans sa longueur par d'autres allées de citronniers et d'orangers. Celle du milieu conduisait à une chapelle où l'on célébrait tous les lundis une messe pour les morts. Des avenues des plus beaux et des plus grands arbres partaient de l'extrémité des rues du hameau et allaient aboutir à d'autres chapelles, bâties dans la campagne, et que l'on voyait en perspective. Ces monuments religieux servaient de terme aux processions, les jours de grande solennité. Le dimanche après la messe, on faisait les fiançailles et les mariages, et le soir, on baptisait les catéchumènes et les enfants. Ces baptêmes se faisaient, comme dans la primitive église, par les trois immersions, les chants et le vêtement de lin. Les principales fêtes de la religion s'annonçaient par une pompe extraordinaire. La veille, on allumait des feux de joie. Les rues étaient illuminées et les enfants dansaient sur la place publique. Le lendemain, à la pointe du jour, la milice paraissait en armes. Le cacique de guerre qui la précédait était monté sur un cheval superbe et marchait sous un dais que deux cavaliers portaient à ses côtés. À midi, après l'office divin, on faisait un festin aux étrangers, s'il s'en trouvait quelques-uns dans la République. Et l'on avait permission de boire un peu de vin. Le soir, il y avait des courses de bagues où les deux pères assistaient pour distribuer les prix aux vainqueurs. À l'entrée de la nuit, ils donnaient le signal de la retraite et les familles, heureuses et paisibles, allaient goûter les douceurs du sommeil. Au centre de ces forêts sauvages, au milieu de ce petit peuple antique, la fête du Saint-Sacrement présentait surtout un spectacle extraordinaire. Les jésuites y avaient introduit les danses à la manière des Grecs, parce qu'il n'y avait rien à craindre pour les mœurs chez les chrétiens d'une si grande innocence. Nous ne changerons rien à la description que le père Charlevoix en a faite. J'ai dit qu'on ne voyait rien de précieux à cette fête. Toutes les beautés de la simple nature sont ménagées avec une variété qui la représente dans son lustre. Elle y est même, si j'ose ainsi parler, toute vivante, car sur les fleurs et les branches des arbres qui composent les arcs de triomphe, sous lesquels le Saint-Sacrement passe, on voit voltiger des oiseaux de toutes les couleurs qui sont attachés par les pattes à des fils si longs qu'ils paraissent avoir toute leur liberté et être venus d'eux-mêmes pour mêler leur gazouillement au chant des musiciens et de tout le peuple, et bénir à leur manière celui dont la providence ne leur manque jamais. D'espace en espace, on voit des tigres et des lions bien enchaînés, afin qu'ils ne troublent point la fête, et de très beaux poissons qui se jouent dans de grands bassins remplis d'eau. En un mot, toutes les espèces de créatures vivantes y assistent, comme par députation, pour y rendre hommage à l'homme-dieu dans son auguste sacrement. On fait entrer aussi dans cette décoration toutes les choses dont on se régale dans les grandes réjouissances, les prémices de toutes les récoltes pour les offrir au Seigneur, et le grain qu'on doit semer afin qu'il donne sa bénédiction. Le chant des oiseaux, le rugissement des lions, le frémissement des tigres, tout s'y fait entendre sans confusion et forme un concert unique. Dès que le Saint-Sacrement est rentré dans l'église, on présente aux missionnaires toutes les choses comestibles qui ont été exposées sur son passage. Ils en font porter aux malades tout ce qu'il y a de meilleur. Le reste est partagé à tous les habitants de la bourgade. Le soir, on tire un feu d'artifice, ce qui se pratique dans toutes les grandes solennités et au jour des réjouissances publiques. Avec un gouvernement si paternel et si analogue au génie simple et pompeux du sauvage, il ne faut pas s'étonner que les nouveaux chrétiens fussent les plus purs et les plus heureux des hommes. Le changement de leurs mœurs était un miracle opéré à la vue du nouveau monde. Cet esprit de cruauté et de vengeance, cet abandon aux vices les plus grossiers qui caractérisent les hordes indiennes, s'était transformé en un esprit de douceur, de patience et de chasteté. On jugera de leur vertu par l'expression naïve de l'évêque de Buenos Aires. « Sire, écrivait-il à Philippe V, dans ces peuplades nombreuses, composées d'Indiens, naturellement portés à toutes sortes de vices, il règne une si grande innocence que je ne crois pas qu'il s'y commette un seul péché mortel. » Chez les sauvages chrétiens, on ne voyait ni procès, ni querelle. Le tien et le mien n'y étaient pas même connus, car, ainsi que l'observe Charlevoix, c'est n'avoir rien à soi que d'être toujours disposé à partager le peu qu'on a avec ceux qui sont dans le besoin. Abondamment pourvus des choses nécessaires à la vie, gouvernés par les mêmes hommes qui les avaient tirés de la barbarie et qu'ils regardaient à juste titre comme des espèces de divinités, jouissant dans leur famille et dans leur patrie des plus doux sentiments de la nature, connaissant les avantages de la vie civile sans avoir quitté le désert et les charmes de la société sans avoir perdu ceux de la solitude, ces Indiens se pouvaient vanter de jouir d'un bonheur qui n'avait point eu d'exemple sur la terre. L'hospitalité, l'amitié, la justice et les tendres vertus découlaient naturellement de leur cœur à la parole de la religion, comme des oliviers laissent tomber leurs frimures au souffle des brises. Muratori a peint d'un seul mot cette république chrétienne en intitulant la description qu'il en a faite « Il Christianissimo Felice ». Il nous semble qu'on n'a qu'un désir en lisant cette histoire, c'est celui de passer les mers et d'aller, loin des troubles et des révolutions, chercher une vie obscure dans les cabanes de ces sauvages et un paisible tombeau sous les palmiers de leur cimetière. Mais ni les déserts ne sont assez profonds, ni les mers assez vastes pour dérober l'homme aux douleurs qui le poursuivent. Toutes les fois qu'on fait le tableau de la félicité d'un peuple, il faut toujours en venir à la catastrophe. Au milieu des peintures les plus riantes, le cœur de l'écrivain est serré par cette réflexion qui se présente sans cesse. Tout cela n'existe plus. Les missions du Paraguay sont détruites. Les sauvages, rassemblés avec tant de fatigue, sont errants de nouveau dans les bois, ou plongés vivants dans les entrailles de la terre. On a applaudi à la destruction d'un des plus beaux ouvrages qui fut sorti de la main des hommes. C'était une création du christianisme, une moisson engraissée du sang des apôtres. Elle ne méritait que haine et mépris. Cependant, alors même que nous triomphions en voyant des Indiens retomber au nouveau monde dans la servitude, tout retentissait en Europe du bruit de notre philanthropie et de notre amour de liberté. Ces honteuses variations de la nature humaine, selon qu'elle est agitée de passions contraires, flétrissent l'âme et rendraient méchants si on y arrêtait trop longtemps les yeux. Disons donc plutôt que nous sommes faibles et que les voies de Dieu sont profondes et qu'il se plaît à exercer ses serviteurs. Tandis que nous gémissons ici, les simples chrétiens du Paraguay, maintenant ensevelis dans les mines du Potose, adorent, sans doute, la main qui les a frappés, et par des souffrances patiemment supportées, ils acquièrent une place dans cette république des saints qui est à l'abri des persécutions des hommes.